Bonjour et merci d'être toujours fidèle à l'histoire en podcast sur les Mérovingiens. Nous allons revenir en fait à l'origine de la dynastie mérovingienne, mais pas seulement à l'origine historique, mais aussi à l'origine mythologique. Et nous allons aborder cette période éloignée en utilisant le style du roman, du récit des origines. Donc, je commence. Marié à une jeune bructère, Argote, en cette année 410, Clodion commande une troupe d'auxiliaires francs au service des Romains. Au sud du Rhin se trouvent les Bataves et les Francs Saliens. Au nord, sur la côte, les fiers Frisons. Privés d'accès à la mer, s'y trouvent d'autres tribus, toutes plus ou moins franques, comme l'importante communauté Chausse, moins nombreux les Chamaves, les Ambispères et les Chatuaires. Quelques rares traités écrits en runes, beaucoup de paroles échangées sous les arbres sacrés et quelques sacrifices d'animaux en présence de prêtres et d'augures ont scellé une alliance entre ces tribus germaniques qui se reconnaissent toutes une origine commune. Un même sang, un même ancêtre, une même gloire passée, puisqu'elles ont toutes participé à travers leurs ancêtres chattes et peut-être sicambres à la victoire d'Arminius sur les légions de Varus à l'époque où Auguste était empereur. On dit que le divin Octave, dans ses moments de désespoir, criait « Varus, rends-moi mes légions !» En vain, puisque face à la cuisante défaite, le général s'était transpercé de son épée. À cause d'ailleurs de cette défaite, les Romains, sous Auguste, décideront de ne pas aller au-delà d'une certaine conquête territoriale en Germanie, et se limiteront au Rhin, en utilisant le Rhin comme leur frontière la plus à l'est. Mais tout ça, c'est loin pour Clodion. Depuis cette époque, beaucoup de Francs s'étaient mis au service des Romains et les servaient avec un scrupule parfois admirable, mais rarement reconnu à sa juste valeur. Certes, en 284, un chroniqueur avait assisté à une attaque de pirates francs en mer du Nord. Face à la détermination du général Maximien au service de Dioclétien, un chef franc, Génobo, qui occupait la côte, se soumet en 284 et un traité de Fédus est signé. Ce traité d'alliance, fondé sur le principe de la parole donnée, leur permet de garder leur chef et leurs lois en échange d'un territoire duquel ils ne peuvent sortir et d'un service militaire rémunéré avec la possibilité, après 25 ans de service, de devenir citoyen romain à part entière. Face au général invaincu Maximien et ses deux légions, Génobo ne put faire autrement que signer. Mais, par fierté peut-être, ses hommes se révoltèrent. C'était sans compter que l'empereur Constance Chlore était d'une trempe à peu près semblable que Dioclétien. Constance n'avait-il pas, sans hésitation aucune, jeté aux fauves, dans l'amphithéâtre de Trèves, deux jeunes chefs bructères qui avaient été capturés après une incursion de l'autre côté du Limès? Ils ne s'étaient pas laissés émouvoir par leurs longs cheveux tressés, leurs duvets et leur rêve de s'égaler à Arminius. Après leur révolte, les Francs de Génobo furent envoyés en Taxandrie. Cet ager publicus, il faut savoir qu'il y a trois formes en fait de propriété à l'époque de l'Empire romain. Il y a l'ager publicus, qui est une sorte de en fait c'est le territoire qui appartient au peuple romain. L'ager romanus, qui appartient à Rome, et l'ager privatus, qui appartient en fait aux propriétaires privés. Et donc l'ager publicus, c'est donc ces territoires qui appartiennent au peuple romain, qui sont en général pris sur l'ennemi. Et donc quand, par exemple, les Romains prennent un territoire, en général, à leurs ennemis, en général, ils se réservent 60% du territoire pour eux, et ils l'annexent à ce qu'ils appellent donc l'ager publicus. Et c'est ensuite qu'ils peuvent le répartir en lots, soit pour le louer, soit éventuellement même, ils décident de le vendre sous forme de parcelles privées pour les vétérans. Donc là, on parle d'ager publicus, Et en Taxandrie, il y a un ager publicus assez considérable, puisqu'on est en fait aux marches de l'Empire. Elle se trouve d'ailleurs dans la Hollande actuelle. Et elle est dévolue à ses francs de Génobos pour que ses francs l'exploitent contre redevance. Les ager publicus, en effet, sont souvent exploités, soit par une cité, soit par une tribu, soit par tout simplement par un entrepreneur privé. Et cet entrepreneur privé, cette cité, cette tribu doivent verser une redevance qui rentre directement dans les caisses, dans le fiscus de l'Empire romain. En tout cas, il faut savoir que le gouverneur de la Belgique, Segonde, dans sa résidence rémoise, a pensé que la l'oisiveté de ces francs de Génobos était la mère de tous les vices, et donc avait décidé peut-être de les atteler à récolter le sel de mer, car on sait qu'il y avait des marais salants à l'époque des Romains, ou faire quelques grosses œuvres comme extraire le sable ou assécher les marais pour le compte de l'Empire. Cela n'a pas empêché une nouvelle arrivée de francs saliens en 358, poussée par les Saxons. L'empereur Julien, qui résidait à l'époque à Lutèce, et pouvait, c'est le fameux Julien l'Apostat, donc il résidait à Lutèce, et pouvait donc dès lors intervenir rapidement sur les bords du Rhin, n'écouta que son cœur généreux, et face à la détresse des femmes, des enfants et des hommes déplacés de force à cause de l'avancée des Saxons, non seulement les soigna, mais encore les conduisit à nouveau vers la Toxandrie, où ils retrouvèrent leurs frères, donc les Francs de Génobos, qui leur expliquèrent comment vivre dans cette région rude, une main sur la charrue et l'autre sur l'épée. Pendant ces longues heures à surveiller l'horizon, avec ses hommes depuis les palissades de son oppidum, Clodion avait le temps de se remémorer tous ces Francs qui avaient servi l'Empire avec gloire, comme Claudius Silvanus, qui est mort assassiné à Cologne à cause de la jalousie de ce maquignon de préfet des Gaules. Sa chute avait entraîné celle de bien d'autres francs, le général Malaric, le général Malobo, tous assassinés en 355, avec une bonne partie de ses domestiques. Il se souvenait aussi du chef salien Charietto, qui avait trouvé une parade étonnante pour repousser les Germains depuis l'épaisse forêt de Charbonnières dans les Ardennes. Il se souvenait aussi du général Menobo, qui avait dirigé des opérations militaires depuis Trèves et qui le fit jusqu'en 383, et Botho, qui a même été consul en 385. Quant au général Arbogast, son fils, le fils de Botho, il a vaincu à plusieurs reprises les chefs francs Marcomyre et Sunon. Et ce n'est pas sans rougir de fierté que Clodion se remémore les exploits de son grand-père, Richomer, qui non seulement avait capturé l'invincible empereur des Bretons Magnus Maximus à Aquilée, mais en plus avait entretenu une riche correspondance avec l'évêque Augustin d'Hippone. Puis il pensa à son père et son regard s'illumina. Ce roi des Francs, glabre, escorté de pas moins de 5 lecteurs, comme le veut la tradition, Teudemyr, avait été consul. Voilà ce qu'il en est de Clodion. Maintenant, nous allons parler de sa femme dans le prochain podcast.